chache y ap fè kantans, pa sonje si te kon suveyans. Biro d'informasyon, pa jan manke tire atansyon. Yo pire pase asid, avot yo ko met infantisid. Rele yo poveje, si yo pa korije. Rele yo poveje, si yo pa korije. Sa di ou anye Sa mwek sanple yon tanje Wa toaze ap monte la sentaba Yo kompwant son etaba Ou yal antre manje Yo kompwant son etaba Ou yal antre manje Blood up, blood. levé sans palavre passé de son académie. C'est métier, c'est métier même, ça ouais. Qui qui a levé sans palavre passé de son académie. Maman Khalil, papa Khalil, c'est toujours de même. Qui qui a levé sans palavre passé de son académie. Chaque habitué manger ze, c'est ze pour manger. Fini sans peine pour le bail maman.